Vous êtes toujours sur Radio Libertaire et c'est Bulle de rêve, l'émission 100% animation. On parle avec Sébastien Abadie du studio UPA. Alors, c'est vrai qu'on parlait, il y a une dominante politique dans la création de ce studio qui est assez forte quand même à la base. Bien oui, c'est surtout quelque chose qui fait office d'ovni dans une espèce de monde qu'on pourrait imaginer, pas de strass et de paillettes, mais qu'on pourrait imaginer beaucoup plus simple que les frasques humaines comme on pouvait les voir dans le monde de la prise de vue réelle. Et oui, les gens qui font du cartoon sont censés être des cartoons hollywoodiens. Voilà, les gens qui font du cartoon sont sympas, ont une truffe de grosses oreilles et ont un QI de 2. Mais non, j'en suis avec faux. Deux en ce moment dans le studio, ils ont pas du tout une tête de cartoon, hein, je peux vous le dire. Non. Et donc, oui, c'est-à-dire que s'il est un studio à cette époque, et même par la suite, qui est très clairement connecté à un contexte politique, c'est l'UPA. À cette époque, et puis jusque dans les années 70, puisque, et là je vais faire un grand saut dans le temps, le plus terrible gauchiste au sein du studio, le plus grand activiste, celui qui aura été parmi les premiers à se faire pointer du doigt par le FBI et toutes les institutions connectées à la chasse aux sorcières, au maccartisme, sera John Obley. Et ça viendra l'ennuyer jusqu'à, on va dire, à la fin des années 50, début des années 60. C'est dire si le fait de pouvoir participer à des meetings de gauche et des réunions avec des syndicats à cette époque pouvait avoir des conséquences désastreuses dans le monde joyeux du cartoon. Juste pour préciser, parce que c'est quand même l'un des grands noms de l'animation, un petit topo sur John Obley, qui est un personnage important. Alors, bon, John Obley fait partie de ces quelques réalisateurs, de ces quelques forts caractères, de ces quelques terribles indépendantistes créatifs de l'UPA. Il y aura John Obley, il y aura Bob Cannon, dont on doit parler, il y aura Ted Parmley, Bill Hertz, au tout début, Zachary Schwartz, Dave Hilberman, il y aura Ernst Pintoff par la suite, j'en passe et des meilleurs, de très très très forts caractères. George Dunning à Londres, très clairement une espèce d'indépendantiste fou et d'auteur à part entière, qui arriveront bien entendu à travailler avec des équipes, puisqu'on est on se situe quand même dans une logique de production commerciale pour des gros studios, en l'occurrence ça sera la Columbia et je vais y venir. Et donc il y a John Obley, effectivement. John Obley, dès cette époque, enfonce le clou. Il sera le storyboarder de ce film dont je parlais, Hellbent for Action. Il est énormément impliqué et c'est un de ceux qui, avec Tashlin à cette époque, fait le plus l'interface avec les syndicats. Il en souffrira. Et tous ces films contiennent, bon an, mal an, soit un message de respect du prochain, soit un message de antiraciste, un message pacifiste, un message ouvertement gaucho parfois. Si bien même que parmi les premiers films qui auront pu être faits après Hellbent for Action, par exemple, il y aura un film qui sera directement commandé par un syndicat du Sud, United Auto Workers, un des plus gros syndicats connectés à l'industrie automobile, qui voulait prôner au travers de ce film qui s'appelle Brotherhood of Man, la fraternité de l'homme, un respect et une possibilité de travail main dans la main entre les employés blancs et les employés de couleur. Je vous rappelle que c'était destiné à des syndicats du Sud. Donc, Obley et tant d'autres, Hertz à cette époque déjà, travaillent d'arrache-pied là-dessus. Et de fil en aiguille, ils arrivent à avoir quelques commandes d'institutions pédagogiques, d'institutions ou de groupements comme ça, politiques et syndicaux. Et c'est au tout départ de la consolidation de ce petit studio qui très vite à cette époque va devenir United Productions of America, l'UPA. Ça va être leur gagne-pain. Mais au fur et à mesure, et la lutte contre les syndicats à cette époque aux États-Unis étant tellement dure, au fur et à mesure que ces syndicats et que ces structures de gauche commencent, je dirais pas à s'étioler, mais à avoir d'autres choses à faire qu'à se soucier de leur promotion et à faire des films de communication, eh bien effectivement, il va falloir que l'UPA trouve du grain à moudre et des sources de rémunération autres que ces films didactiques, ces films de propagande politique ou de institutionnelle et technique. Résultat des courses, c'est à cette époque que la Columbia, Là, on est en 48-49. La Columbia décide de fermer le studio qui aura été au départ supervisé par Tashlin, Frank Tashlin. Enfin, ce qui est au tout début de cette histoire de l'UPA aura été supervisé par Tashlin, puis ensuite par Fleischer, qu'Alexis connaît très bien, puisqu'il fait partie des créateurs de Betty Boop. Et pas moi, bien sûr, le frère Fleischer. Oui, le frère Fleischer. Et donc, en 48, la Columbia décide de fermer son studio maison, la Screen Gems, et à partir de là, d'essayer de développer un partenariat avec un studio. Et donc, Steve Bozoustoff, un des principaux acteurs et coordinateurs de cette époque, va donc réussir à imposer le petit studio UPA auprès de cet énorme producteur-distributeur qu'est la Columbia. Et ça, c'est le début d'une collaboration fructueuse qui va faire que véritablement, le studio UPA va exploser et arriver au devant de la scène. Donc là, on se retrouve, juste pour voir, avec trois personnes principales, c'est ça au niveau de... Zachary Schwartz, ah, voilà. Dave Hilberman et ce troisième bonhomme qui déjà était... au flanc de la grève de 41 chez Disney, Steve Bozoustoff. Et qui arrive donc en 48, renforcer UPA. Il s'impose à cette époque. Pour l'anecdote, très très vite, Hilberman et Schwartz, à peu de choses près à cette époque, vont décider d'arrêter de s'impliquer dans l'UPA, et donc filer, alors que le studio commence juste à se consolider, filer leur part, leurs actions, à une seule et même personne, Steve Bozoustoff, qui à partir de là va s'imposer comme étant le manager, le principal, le point central de ce studio. Et à partir de là, iront vivre leur vie dans un petit studio qui au départ est hollywoodien et qui par la suite sera new-yorkais, qui vivra essentiellement de la pub et qui s'appellera Tempo Productions, qui fera énormément de pubs très connues sur le marché de la télé à l'époque balbutiant. Donc, je reviens à cette période charnière. La Columbia se lance avec l'UPA dans une production de films commerciaux qui vont arriver en première partie des longs métrages d'exploitation à cette époque. Ils ont un panel de licences, de personnages qui étaient déjà produits auparavant. Tashlin avait créé un duo de comiques, comme il peut en exister dans d'autres studios, comme Tom et Jerry, Mickey et Donald, etc., qui s'appelle Fox and Crow, le renard et le corbeau. Et ces personnages avaient réussi à imposer un comique de dialogue, de pantomime, mais déjà être assez modernes dans leur réalisation, comme Tashlin les avait imposés dès leur gestation. Et donc, sur Fox and Crow, le studio UPA reprend les rênes. Ça donnera lieu à la production de trois courts-métrages qui consolideront, qui seront un peu le galop d'essai du studio UPA pour la Columbia, consolideront et valideront la fiabilité de ce studio pour arriver à produire des films qui auront un énorme succès, un énorme accueil, ne serait-ce qu'en recevant des Oscars. Alors, juste comment on sait à l'époque, c'est quelque chose qui me questionne, c'est que premier Oscar, hein, puisqu'on en parle, c'est Gerald McBoing-Boing dans 50. Non, justement, effectivement, Fox and Crow, je crois, est non nominé. Ne reçoit pas un Oscar, mais est nominé. Voilà. Ce qui est déjà pas mal pour des petits films d'exploitation. Voilà, mais leur premier. Alors, comment on sait, quand un film passe en première partie, un court-métrage comme ça, en première partie d'un long-métrage, comment on sait qu'il a du succès? Les gens hurlent dans la salle, on le sait, on a des lettres. Comment on sait qu'il faut continuer dans cette voie-là? Il y a toute une série, on va dire, d'institutions aux États-Unis qui sont là pour apprécier la chose. Il y a la presse et il y a l'accueil du public. Et quoi qu'il en soit, il est vrai qu'à cette époque, eh ben, que ce soit auprès du public ou de la presse, pour un film comme Gerald McBoing-Boing, qui sera réalisé en 50 et oscarisé en 51, réalisé par Bob Cannon, on est unanime. Le film est particulièrement bien accueilli par tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça a changé. Il y a des critiques qui écrivent dans la presse, on va dire quotidienne, en disant « Ah, on a vu ce long-métrage-là. » Et avant, il y a un court-métrage génial qui s'appelle Gerald McBoing-Boing. Allez le voir. Et même, pourquoi pas, si vous loupez le long-métrage, c'est pas grave, allez voir le court-métrage. Il y a des journalistes qui se battent pour ça. On se permettait déjà, même avant que l'UPA émerge, même avant guerre, à faire des petits articles sur les films de la Warner, les films de la Metro-Goldwyn-Mayer, puisqu'il y avait quand même des rétributions, des prix qui étaient connectés à ces films-là, un accueil du public évident, même si tout ça se mélangeait dans une espèce d'amalgame embrouillaminesque, de trucs divers et variés, essentiellement du comique, de slapstick, des bons gags, et des personnages qui étaient toujours les mêmes, Tom et Jerry, Mickey, Pluto, Donald, Popeye, j'en passais des meilleurs. Et quoi qu'il en soit, il y avait déjà une presse qui critiquait. Et il y a surtout les longs métrages de Disney qui, eux, étaient, et ceci dès le début, très clairement suivis par la presse écrite et radio, ça c'est clair. D'accord. Alors on en est, pour revenir on à en UPS, est au début de la Columbia. Oui, début de la Columbia. Steve Bezustoff prend toutes les parts. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il impose rêves. Qu'est-ce qu'il impose Il impose rien. Chose de nouveau il impose rien. Rien, tout du moins. Il impose des choses sur la politique budgétaire et sur un relatif anarchisme au sein du studio en termes de gestion des échéances et de dépassement du budget. Ça, c'est la patte Bezustoff. Quelque chose de complètement bordélique, employant ce terme, parce que c'est le plus juste. Et à côté de ça, oui. La judicieuse idée de lâcher très clairement la bride, de ne pas faire de direction artistique, de laisser toute latitude à ses réalisateurs phares, comme Bob Cannon d'un côté, parmi les principaux à cette époque, qui va créer Mac, Boing Boing, Christopher Crumpet et tant d'autres personnages qui vont avoir un énorme accueil auprès du public et de la presse, et d'un autre côté, Hubley, qui avec tous les autres, c'est une œuvre collective, j'insiste là-dessus, contribueront à créer ce personnage qui va être le principal fonds de commerce du studio à cette époque, qui est donc Mr. Magoo, on en a parlé au début. Mr. Magoo émerge en 49 avec un film qui s'appelle Ragtime Beer. C'est déjà à l'époque un énorme succès. La Columbia se fait l'écho d'un très très bon accueil de ce film. L'histoire d'un ours débile de Mr. Magoo, à l'époque acariâtre, complètement myope, débile, affublé de son neveu qui est complètement débilot, qui a la fâcheuse propension à énerver son oncle avec un banjo dont il joue en permanence. Et le tout, ça se passe sur une montagne, dans un chalet, sur des skis, comique de pantomime, de slapstick, et aussi et surtout à cette époque, déjà l'émergence d'un comique de dialogue comme il s'imposait depuis déjà un bon bout de temps dans les feuilletons radio, puisqu'il se substituera graduellement à cette époque, dans cette esthétique, au comique de pantomime. Et surtout, déjà, un comique beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné, un comique destiné à un public beaucoup plus large que les téléfilms de Disney ou de la Warner, un tout petit peu plus élitiste, je dirais même, qui est ce comique de dialogue que l'on retrouve déjà au travers de Ragtime Beer et de tous les films qui vont suivre. Donc, de fil en aiguille, l'UPA va accumuler des succès dans une esthétique qui est aux antipodes de ce que l'on pouvait trouver ailleurs dans les studios commerciaux. D'un côté, il y avait la Warner qui, de son côté, expérimentera, c'est clair. Ceci essentiellement grâce à quelqu'un comme Tashlin, qui finira par bosser chez eux. Et aussi et surtout grâce à Chuck Jones, et ceci dès l'après-guerre, qui va faire des films eux aussi considérés comme extrêmement novateurs, jusqu'à un point culminant d'expérimentation dans le système de narration et d'esthétique, qui seront, quoi qu'on en pense, les films de Bip Bip et du Coyote, les premiers. Les films de la Metro-Goldwyn-Mayer seront considérés comme des classiques extrêmement ampoulés, extrêmement chiadés, je dirais. Et à côté de ça, il y a ces ovnis, l'autre opposé, avec Gerald McBoingBoing, avec Magoo, avec The Jaywalker, qui aura énormément de succès au début des années 50. Tous ces films où, mine de rien, on se rapproche plus de l'esthétique de Duffy, de Juan Miró, Joan Miró, il était catalan, de Picasso, de James Thurber ou de Saul Steinberg, qui à cette époque était considéré comme un demi-dieu dans les pages d'illustration du New Yorker, que à cette espèce d'expression littérale et ultimement réaliste de l'animation qu'on trouvait dans le dessin des personnages comme les décors, comme on pouvait les trouver dans les autres studios, en l'occurrence. Pour visionner les choses quand même, c'est parce que malheureusement le temps passe très vite et tellement de choses à dire sur la UPA. L'esthétique, comment on peut, parce que c'est très anguleux souvent, oui. c'est pour que les gens puissent voir, puissent imaginer, ceux qui ne connaîtraient pas la grande Mr. Magoo, mais c'est vrai que c'est ça, c'est très anguleux, les décors sont à plat, il y a très peu de décors, c'est quasiment blanc derrière. Il y a des choses extrêmement osées qui vont s'imposer à cette époque. Le papier découpé très très tôt, quelque chose qui aurait été complètement inenvisageable dans un studio comme Disney. Des décors totalement éthérés ou faits du tachisme, comme on le retrouvera chez Pollock. Des jets de peinture, une espèce de chose une espèce de d'esthétique qui tout d'un coup laisse la part belle à l'imagination du spectateur. On valorise et on se fie à ce que le spectateur peut projeter derrière un aplat de couleurs texturées, un tableau qui flotte au milieu du vide et qui va suggérer la structure d'un mur, une jonction complètement inexistante entre le sol et le mur, l'absence totale de perspective, une absence totale de structuration anatomique des personnages comme on pouvait la trouver de façon hégémonieuse et de façon croissante dans l'expression littérale de l'animation comme elle s'imposait chez Disney. Et donc, on est aux antipodes de tout ça. Et Dieu sait que ce degré d'expérimentation va aller crescendo au fil des années et va s'imposer comme étant un élément de mode qui va rayonner sur tous les autres studios. On va en trouver de façon croissante. Et ça n'est pas que l'UPA, j'insiste là-dessus, c'est un des facteurs déclenchants, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'illustration, il y a la presse, il y a la peinture, tout un contexte culturel qui a contribué à cela. Mais quoi qu'il en soit, chez les concurrents, dans les décors, dans l'animation de plus en plus elliptique et simplifiée, chez la Warner, chez la Paramount et dans tant et dans d'autres studios, on va trouver ça, c'est évident. Jusqu'à ce que même chez Disney, avec les films de Jack Kinney, de Walt Kimball, les films que Disney pourra produire à moindre coût pour la télévision avec le Mickey Mouse Club, etc. D'accord, et donc avec des budgets et des échéances beaucoup plus restreintes. Jusqu'à ce que cette esthétique d'animation stylisée et économique s'impose naturellement dans un film comme par exemple Toot Whistle Plunk and Boom, qui s'appelle, je vais le redire parce qu'il paraît qu'il faut articuler à la radio, Toot Whistle Plunk and Boom. Ce sont des onomatopées. En France, il est traduit, je crois, ce film comme étant Zim Zim Boum Boum. On le trouve sur le DVD de Fantasia sous le nom Les Instruments de Musique en supplément. Un joli film en cinémascope, produit par la Disney et réalisé par Ward Kimball, qui très clairement fait référence à l'esthétique de l'UPA, avec un degré de perfectionnisme, une absence totale de spontanéité qui feront, et la critique l'accueillera ainsi à cette époque, en demi-teinte, symptomatiquement l'incompréhension de ce que pouvait être la substantifique moelle de l'UPA, à savoir une espèce de dilettantisme, une part laissée totalement au hasard à l'expérimentation et la spontanéité, quelque chose qu'on ne trouvera pas chez Disney. Mais quoi qu'il en soit, même chez Disney, je parle aussi vite que toi, c'est fou, quoi qu'il en soit, même chez Disney, on trouvera de l'UPA assez rapidement. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une esthétique aussi, on va dire, qui use, qui est à la, on va dire, qui, c'est, les histoires, j'y arrive, les histoires sont très étonnantes. Pour prendre le plus connu, ce que beaucoup de gens connaissent, qui est Gérald McBoingBoing, c'est simplement un petit garçon qui, ses parents se rendent compte qu'il ne peut en fait parler qu'en faisant des bruits, donc notamment Boing Boing au début, après il va faire plein de bruits, il fait peur à tous ses petits camarades qui se moquent de lui, et aux filles évidemment, et en fait il va devenir célèbre en faisant des bruits à la radio, dans des feuilletons. La grande force de l'UPA à cette époque, c'est son ouverture. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une politique de studio ultimement structurée, comme on peut le trouver chez la concurrence, mais plutôt dans une amovibilité permanente. On remet en question en permanence, à chaque film, l'esthétique employable, le mode de fabrication des films, la façon de le raconter, le rythme, le découpage, la musique, qui à chaque fois change totalement d'esthétique d'un film à l'autre. On laisse la part à des jazzmen sur des one-shots, comme ça, sur des films qui, au coup par coup, seront créés à cette époque. On laisse toute l'attitude à ces gens-là. Et aussi à des auteurs qui, généralement, ont tendance à évoluer dans des milieux, soit de l'illustration enfantine, soit dans des milieux un tout petit peu plus élitistes. Alors, il y aura un des grands pontes de cette époque dans l'illustration enfantine que l'on connaît en Europe, puisqu'il y a puisque c'est le Dr. Seuss, Theodor Geisel, le Dr. Seuss ou Seuss, qui est le papa du Grinch, par exemple, que vous avez vu adapté en long métrage, très très moche, il y a quelques années de ça, avec Jim Carrey. Le Grinch est avant toute chose un livre illustré et par la suite un dessin animé qui aurait eu énormément de succès aux États-Unis. Le chat dans le chapeau, le chat chapeauté, The Cat in the Hat, et tant d'autres choses qui seront vraiment des films d'animation et des livres stars, des livres qui auront vraiment marqué toute une génération à cette époque. Et donc le Dr. Seuss est ceci dès la guerre, bien avant la Columbia, aura travaillé avec les réalisateurs et les principaux acteurs pré-UPESCs, en faisant tout simplement des scénarii pour des films de propagande pour l'armée. Ils se seront connus à cette époque-là, et donc le Gerald McBoingboing est un des personnages créés par le Dr. Seuss. Et effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus créatif que les standards de pantomime, d'animaux anthropomorphisés, comme on peut les voir chez Disney, même chez la Warner et chez tous les autres studios qui se sont calqués sur ce principe. Gerald McBoingboing, c'est un petit personnage qui a une tare, qui deviendra sa force à la fin du film. Il ne peut s'exprimer qu'avec des onomatopées. Et à partir de là, on se trouve face à un petit gamin potentiellement désespéré, voire désespéré sur le milieu du film, qui va devoir s'adapter à cela. Le sort et le hasard feront que les choses se finiront bien, bien entendu. On est quand même face à un film tout public, pas face à une tragédie. Et on est vraiment dans les subtilités de la frustration enfantine, dans un intellect un peu plus complexe qu'on ne pourrait le trouver dans un épisode de Pluto ou de Donald, c'est évident. Et par la suite, donc, tous ces films seront très clairement matinés de références symboliques, freudiennes, un peu plus complexes. On insulte moins l'intelligence du spectateur avec certains films de l'UPA, comme on pouvait le faire avec certains films de Disney ou certains Tom et Jerry de la Metro-Goldwyn-Mayer, même si, quoi qu'il en soit, pour l'un comme pour l'autre, j'ai le plus grand respect pour d'autres critères que l'intelligence et la force scénaristique des films. Alors, vous l'aurez compris, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur UPA. On n'a pas tout le temps, malheureusement. On va raccourcir. On va devoir raccourcir en 5 minutes. On va devoir passer donc de The Rise. Ils sont arrivés très haut. Et en 5 minutes, on va vite arriver jusqu'à les années 60. Et la fin de UPA. Quand UPA se termine, et pourquoi? Et tout ça. Et surtout, pourquoi parle-t-on de l'UPA maintenant? Tout ça en 5 minutes. Et évidemment, ce qui est très important, c'est qu'on voulait aussi parler de ça, le documentaire. Allez, tout ça en 5 minutes. Alors, par Sébastien Labadie. Pourquoi parle-t-on de l'UPA à l'heure actuelle? Eh bien, c'est entre autres choses pour faire la promotion de quelque chose que beaucoup d'Américains et de gens qui s'intéressent à l'animation attendaient depuis un certain temps, à savoir un film documentaire sur l'histoire du studio et de ses principaux acteurs. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, Thibaut Zoustoff, l'un des fils de Steve Zoustoff, donc le grand patron, le grand Manitou de l'UPA dans son âge d'or, est en train d'amalgamer et d'accumuler il a notamment fait un tour d'Europe tout récemment pour cela, toute une série de témoignages des acteurs encore vivants du studio, de documents rares qu'il va glaner de ci de là chez les héritiers, les fils et les petits-fils des gens qui auront fait l'histoire de ce studio à l'époque, ceci pour faire un documentaire. Donc les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'animation et notamment à l'histoire de ce qu'on pourrait appeler plus globalement le modern style américain du cartoon sont ravis. Et il se trouve donc que j'ai rencontré cet homme, Thibaut Zoustoff, très récemment à Annecy, que j'ai pu voir les 12 minutes de teaser de ce truc et que j'invite donc la plupart des auditeurs de Radio Libertaire aujourd'hui, s'ils s'intéressent et s'ils ont envie de se projeter un peu au travers de cette esthétique difficile à décrire à la radio de l'UPA, tout simplement d'aller sur le site qui fait la promotion et du studio de son histoire et de ce documentaire. Je le cite, http://www.upapix.com malheureusement en anglais .com, un site dans la langue de Shakespeare évidemment, mais qui retrace assez synthétiquement et avec tout un lot d'illustrations fort intéressantes et parfois pas que des choses communes. Il y a quand même quelques raretés, même pour les connoisseurs on peut retrouver des choses intéressantes et du grain à moudre et notamment des informations assez inédites sur ce site. Je recite l'adresse du site internet http://www.upapix.com. Juste Sébastien, pour qu'on comprenne, j'aimerais juste voir pourquoi ce studio qui a l'air exceptionnel, qui réussit à faire long métrage, pub, court métrage, télé, c'est-à-dire qu'ils font un peu tout, comme aujourd'hui un studio peut réussir à faire, qui influence beaucoup de monde, on l'a vu même avec Disney, pourquoi un studio d'un seul coup tombe et pourquoi ça s'arrête? Pourquoi UPA d'un seul coup s'est arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? La défection de ses principaux acteurs. Il est vrai, je l'avais évoqué il y a peut-être un petit quart d'heure de cela, ce sont de fortes têtes. Ils sont tous, que ce soit Bob Cannon, tout timide qu'il fût, John Neblet et tant d'autres, ce sont tous des gens profondément indépendants. Aussi bien dans les premiers principaux acteurs du studio, qui auront vraiment fait le premier âge d'or de ce studio, de 49 jusqu'à ce que la Columbia arrête de faire des films pour le cinéma en collaboration avec eux. Ça sera la date de 59 avec le dernier film de Mr. Magoo, Buana Magoo. Magoo et le singe en français. Magoo et le gorille. Donc, quoi qu'il en soit, déjà, ces gens, dès la première moitié des années 50, s'en iront pour fonder des studios de leur côté, des studios pour la publicité qui s'installeront essentiellement à New York ou d'autres petites structures à Hollywood. Et il y aura un deuxième mini-âge d'or qui se fera en 55-56 avec des petits jeunes qui travailleront aussi bien sur l'antenne hollywoodienne, californienne de l'UPA à Hollywood que dans une branche new-yorkaise qui travaillera essentiellement à la pub. Et dans une branche qui aura fait très peu de temps, qui aura fait un beau bide commercial à Londres, des gens comme Jimmy Murakami, Gene Deitch, George Dunning, que le commun des mortels connaît pour avoir réalisé par la suite le Yellow Submarine, le long métrage animé avec la musique des Beatles, etc. Et tous ces gens, quoi qu'il en soit, feront un nombre d'années très constructif et très fructueux au studio de l'UPA pour par la suite se disséminer et vivre leur vie de leur côté. Donc de fil en aiguille, eh bien le studio sera amené à dégénérer et perdre son feu créatif. Le gros coup dur sera très clairement dans la première moitié des années 50, vers 53-54. Dépression faite sur Columbia et directement sur le studio UPA pour faire en sorte que Blais et d'autres tout simplement, d'une part, fassent leur autocritique auprès des institutions macartistes de l'époque et surtout quittent le studio. C'est ce que l'on appelait le blacklisting à l'époque, la liste noire. Et donc, rien que le départ de John Blais, qui, de fait, sera complètement banni et ne pourra pas travailler en son propre nom par la suite, va déjà mettre très clairement une sale ambiance et du plomb dans l'aile dans le studio. Le studio survivra, il continuera à faire des choses très très intéressantes, grosso modo, jusqu'à ce que Steve Bozoustoff rachète toutes les parts du studio à un gros industriel de l'époque qui s'appelle Henry Saperstein, qui à partir de là choisira de dédier intégralement la production du studio à des choses alimentaires et on va dire relativement bas de gamme, qui seront essentiellement les choses que l'on aura vues à la télé en France, et notamment les Mister Magoo. Voilà, donc on peut dater la fin des haricots vers 61-62, c'est à peu près à cette période que l'UPA va commencer à faire des choses de bien moindre qualité. Entre-temps, ils auront eu l'occasion, mine de rien, de faire une série pour la télévision en 56, le Gerald McBankbank Show, dont on aura entendu un petit extrait fort créatif. Ils auront eu l'occasion de faire deux longs-métrages commerciaux à l'accueil au sein de la presse mitigé et à l'accueil au sein du public très très mitigé, qui seront en premier les Mille et Une Nuits de Mr. Magoo, et avec donc le personnage de Mr. Magoo réinjecté dans le monde de la lampe magique, d'Aladin, etc. Et d'un autre film donc supervisé par Chuck Jones, qui vient, comme je le disais au tout début, boucler la boucle, qui sera vraiment la fin, parce que c'était un film un peu chancelant, comme ça, supervisé par Chuck Jones. Guy Perry, qui lui, pour le coup, sera très clairement descendu à cette époque, et je le dirais objectivement, même si je suis fan du studio, je reste objectif, il est vrai, une réussite scénaristique et artistique très ténue. Voilà, et donc à partir de là, les choses intéressantes ne vont plus se faire au sein du studio UPA, mais au sein de toutes ces petites structures qui auront été amenées à se disséminer de ci, de là, dans la publicité, dans le film institutionnel, dans le court-métrage d'auteur, et notamment les films de John Blais, qu'on connaîtra par la suite, notamment et surtout dans les festivals aux États-Unis, mais surtout en Europe, au sein de Storyboard Productions, des films comme Les Aventures d'un astérisque, des films comme The Tender Game, Moonbird, qui, si je ne m'abuse, a reçu un prix à Cannes, etc., etc. John Blais aura réussi à sortir son épingle du jeu et à travailler, gagner sa croûte dans l'animation comme il pouvait le faire auparavant, malgré le joug, le blacklisting des institutions macartistes. Okay, bah merci beaucoup Sébastien pour cet éclairage qui, pour une marotte, était plutôt très très poussé. Un dernier mot, oui. Tout ça pour permettre à certaines personnes de visualiser tout ça et de se dire que, mine de rien, l'UPA existe encore et n'a jamais autant existé qu'à cette époque, au travers d'un renouveau de cette esthétique des années 50, qu'on pourrait aussi bien reconnecter à des choses très très connues, comme les pierres à feu et tout ça, et que l'on voit dans des séries télé, comme par exemple tout ce le laboratoire de Dexter Network. Sur Cartoon Network. Samurai Jack, les Super Nanas. Toutes ces séries, cette esthétique n'aurait pas existé ou pas de cette façon, et c'est vraiment flagrant sur Samurai Jack, si déjà à la fin des années 40 et jusqu'à la fin des années 50, ce studio n'avait réussi à imposer cette esthétique et révolutionner le cartoon qui jusqu'alors était quand même très clairement ronflant dans un littéralisme et dans un classicisme esthétique assez insultant si on le reprojette dans tout ce qui pouvait exister à la même époque, dans l'illustration pour enfants, dans les livres, dans l'illustration de presse, dans la peinture, dans la scénographie au théâtre, etc. D'une certaine manière, l'UPA aura redonné de nouvelles lettres de noblesse à une animation qui, à partir de là, trouvera un nouveau public. Oui, Franck. Est-ce qu'à leur tour, ils sont pas devenus finalement d'un classicisme incroyable ? Parce que si. Moi, je crois qu'ils sont devenus maintenant d'un classicisme incroyable et qu'il faudrait de nouveau un autre studio, confédération. Non, mais il n'est pas question de façon de reprocher l'esthétique, mais c'est vrai que c'est devenu d'un classicisme. Maintenant, c'est le classicisme, il est là, il est chez eux, il est presque plus chez les Disney chose, qui sont très sûr. Dépassés, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'histoire de ce studio, qui est même quasi une confédération de réalisateurs et de créateurs, est à prendre en exemple. C'est clair, et puis c'est vrai que les choses se sont imposées dès les années 60 et seront devenues, je dirais pas une sorte de norme, mais un passage obligé pour bon nombre de réalisateurs. Je crois que ceux qui auront vulgarisé et diffusé énormément les bases de cette esthétique, ça n'est pas l'UPA à proprement parler, mais un autre studio qui aura vraiment phagocyté une grosse partie de l'industrie dédiée à l'animation, c'est Hanna et Barbera, avec les pierres à feu, avec Scooby-Doo, j'en passe, et des meilleurs, qui... Mais je n'aurais, si on devait rentrer dans le détail, on n'a pas le temps. On parlera d'Anna d'Arbor. Voilà. Qui a effectivement remâché toute cette esthétique. Ouais, mais maintenant, l'heure tourne et passons à des choses plus sérieuses. Parole à Alexis. Ce que je vous ai pas dit, c'est tout simplement pourquoi on a pris autant de temps finalement pour UPA, qui devait prendre un tout petit peu moins de temps. C'est que malheureusement, la technique étant telle, et pour ma première, des petites choses. Et donc, tout ce qui a été enregistré par téléphone ne pourra pas être passé. J'invite tous nos auditeurs à venir voir sur notre site internet.